c'est la nuit de Noël. Je t'attends chez moi. Car minuit vient de sonner, tu n'es pas arrivé. Les flocons de neige tombent sur cette nuit s'achève. Emportant mes rêves. C'est la nuit de Noël. Mais tu